Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Installez-vous confortablement. Marc et moi, on vous a préparé un bon 2 heures de musique prog. Et ce soir, on ouvre avec la nouveauté de Bjørn Riis, guitariste de la formation norvégienne Airbag. Nouvel album solo donc pour le guitariste et chanteur. L'album va paraître le 11 avril prochain. Le titre, c'est Fimbul Winter. C'est le 5e essai solo du guitariste et il assure à peu près tous les instruments. Quelques invités à la batterie, Henrik Fossum de Airbag et Arild Brotter de Pimlico. On va retrouver 6 nouvelles pièces sur cet album qui sera disponible en format CD et il y aura 2 éditions vinyles différentes et évidemment en téléchargement. Et ce soir, le premier extrait qu'on vous présente, c'est la pièce « Gone ». Et puis Marc, par la suite, on demeure en Norvège avec une autre nouveauté qui est sur le point de paraître. Oui, il s'agit de la formation Sycophant. Ils sont originaires de Oslo, en Norvège. Ils ont fait paraître leur premier album éponyme en 2024. Ils sont 4 musiciens, dont les 2 fondateurs, Emil Moen à la voix et aux guitares et Per Semb à la guitare, accompagné de Melvin Treder à la batterie et Sindre Haugen à la basse. Ils feront paraître un album au mois de mars qui a pour titre Black Sun. On en a eu un extrait pour vous la semaine dernière. On en a un 2e extrait et la pièce qu'on aura pour vous ce soir s'intitule Embers. Et ce sera suivi d'une formation de l'Italie qui a pour nom Hologram. C'est un projet familial qui a été fondé par Dario Gianni, celui-là même qui a fondé Hydra. Il joue de la basse et compose la musique. Il est accompagné de son frère Lorenzo Gianni qui joue les guitares et compose les textes. Également leur frère Roberto Gianni au clavier et mix. Il y a également Fabio Speranzo au chant et Giovanni Sparado à la batterie. Alors ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est un extrait de leur nouvel album qui a pour titre La Mia Chia, qui paraît pour le moment seulement en version numérique. C'est leur second album, puisque le premier, La Nebbia, est paru en 2022. Alors, de ce nouvel album, on aura pour vous la pièce Descend. Aussi, pour ceux qui auraient manqué l'émission la semaine dernière, on a confirmé 2 groupes qui seront au Festival Terra Incognita cette année, 18e édition. Les groupes Hidden Song des États-Unis qui nous présenteront un nouvel album. Et également le groupe québécois Chaos Moon qui a fait paraître un excellent album de Goldfish en 2024 et qui viendront nous le présenter sur scène. On a maintenant confirmé la formation américaine Is qui seront en spectacle le 17 mai pour nous présenter sur scène leur nouvel album Collapse the Wave. On aura d'ailleurs un spécial de 30 minutes sur cette formation dans le second bloc de l'émission. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute l'émission avec la nouveauté de Bjørn Riis. Sure, no neighbors saw my face.

Thank you. tel que Marc l'a annoncé tout à l'heure, on va accueillir le 17 mai prochain nul autre que Iz, la formation new-yorkaise, va notamment nous présenter son plus récent album Collapse the Wave, et j'aurais le goût d'ajouter son excellent album Collapse the Wave. Le groupe a été mis sur pied au milieu des années 90 et un premier album est paru en 1999, Sliver of a Sun, et c'est avec cet album-là que j'ai découvert le groupe. Moi, ça a été un coup de foudre instantané. Et lorsque on a mis sur pied le festival Terra Incognita, ben, ça a été un des premiers groupes étrangers que j'ai contacté. Ce soir, on va vous présenter des extraits de l'album The Dark Knot Room, qui a été lancé en 2009. C'est le cinquième album du groupe, qui à ce jour a publié 10 albums studio et un album en concert. Et parlant de concert, ceux qui ont eu le bonheur de voir le groupe sur scène savent que ces concerts sont magiques et les prestations sont toujours à couper le souffle. Je pense que tu seras de mon avis, Marc. Oui, tout à fait. Tu sais qu'à chaque fois, ça a été des coups de cœur pour moi, les spectacles de Iz. Il y a beaucoup d'énergie, il y a une belle complicité, une belle communication avec le public aussi. D'ailleurs, à chaque fois que je les ai vus, je me suis dit qu'ils étaient meilleurs de fois en fois, qu'on avait la chance de les voir en spectacle. Alors, je suis convaincu qu'encore cette année, ça va être un excellent concert. L'album Collapse the Wave étant un de mes coups de cœur des albums parus en 2024, je suis comblé. Et à mon sens, tous les albums de Iz sont excellents. Mais je dois dire qu'effectivement, The Dark Room, avec lequel on va débuter ce bloc, est aussi un album coup de cœur dans la discographie de Iz. When I was young, I used to scare myself with thoughts of forever. What a frightening proposition to imagine something. I still dream I come by. sound, no conversation. The self consumed, no consummation. Disinformation flooding in. Relative, the sound begins. Spread, describe, left and right. Back to the garden and take your bite. Selfless surrender is the only answer. The eternal in the first place. The contradictions are in the place. In the middle, you'll just see your face. distantly. What do you want? What do you need? Things that we don't see behave as waves. Light that can't be seen is right in phase. Time is cancelled out, energy stay. Come and look with me. The spin up and down, tunneling through barriers. Trap teleportation, a real life simulation. The struggle and the toil. Spinning on the surface, always looking down. Tunneling through suffering of our own making. The joy is for the taking. Just give me a reason. Just give me a chance. Just give me a reason. Just give me a chance. Just give me a reason. Just give me a chance to collapse away. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation italienne Semiramis, qui a été fondée en 1970. Ils avaient réalisé un seul album en 1973 intitulé Delicato a Phrase. S'étaient séparés en 1974 et se sont reformés en 2014. Ont présenté un album en spectacle qui est paru en 2017. Phrase Live et ont présenté un nouvel album de composition originale en 2024. Il a pour titre La fine non esiste et on aura pour vous ce soir la pièce Tenda Rossa. On aura également le super groupe norvégien Action Freda et un nouvel extrait de leur album Lys Fremtid i Mørke, paru en 2024. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une autre excellente formation italienne, mais celle-là beaucoup plus contemporaine. Oui, on parle de Aliente, un groupe qui, depuis 2017, propose d'excellents albums. En fait, c'est une feuille de route sans faute. Et en 2024, le groupe nous a présenté Anime Invisibili. Et ce soir, on vous présente un extrait de cet album. Et c'est une pièce avec un titre en français, c'est Nuit dans le désert. Thank you.

è diventato silenzio. Quella mezza dozzina a tenere in piedi un sogno ormai freddo. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation du Royaume-Uni Life Signs, qui viendront présenter un spectacle le 30 mars prochain à Québec. C'est au studio Sonum, et c'est le claviériste, chanteur et compositeur John Young qui est derrière ce groupe. Ils ont 3 albums à leur actif, leur premier, éponyme, paru en 2013, leur second, Cardington, est paru en 2017, et leur plus récent, Altitude, est paru en 2021. Ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est une pièce de leur tout premier album, sur lequel il y avait quelques musiciens invités assez célèbres, tels que Steve Hackett, Jaco Jackzik, Tears Van Leer. Et on aura pour vous la pièce Carousel. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une excellente formation de la Finlande. Oui, une formation qui a 3 excellents albums à sa feuille de route. On parle de Maladai. Et ce soir, on vous présente un extrait du second album Toinen Toista, qui a été lancé en 2018. Et on a retenu de cet album la pièce-titre Toinen Toista.

Hi there, I'm John Young from Life Signs, and you're presently listening to Terra Incognita, the progressive reference of Quebec City, Canada. Feel the wind rise under these wings. I look to the skies as the sunset begins, and I fly. Let me be. Don't turn the light out now. I sleep in here. I sleep in here. Pour conclure l'émission ce soir, on vous présente une pièce du groupe Kinetic Element parce qu'on veut souligner le décès du leader claviériste du groupe, Mike Visaggio, un groupe qu'on avait eu le plaisir d'accueillir d'ailleurs dans le cadre du festival Terra Incognita. Et ce soir, on vous présente un extrait de l'album Travelogue paru en 2015. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèles au rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine encore pour un bon 2 heures de rock progressif. On vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute de CKRL. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants.